De retour à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. Pour entamer cette seconde partie d'émission qui va porter sur la Lune, je vais vous raconter une légende. Dans un passé très lointain, 10 soleils se levèrent ensemble dans les cieux et écorchèrent la Terre, causant ainsi souffrance et pauvreté. L'archer Yi en éteignit 9, n'en laissant briller qu'un seul d'entre eux. En récompense, il reçut l'élixir d'immortalité. Mais il ne l'avala pas immédiatement et le cacha dans sa maison, car il ne voulait pas devenir immortel sans son épouse Chang-hi. Cependant, pendant que Yi s'en était allé chasser, son apprenti Feng-men s'introduit dans la maison pour convaincre Chang-hi de lui donner l'élixir. Elle refusa et le but immédiatement. Chang-hi s'envola alors dans les cieux et choisit la lune comme résidence. À son retour, Yi découvrit ce qui s'était passé et éprouva une très grande tristesse. Il sortit alors les fruits et gâteaux que Chang-hi avait aimés et les lui offrit en sacrifice. Alors voilà la légende de Chang-hi tirée de la mythologie chinoise. Alors, pour nous parler de l'astre qui a hébergé Chang-hi, je reçois Jean-René Roy, astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Bonjour Jean-René. Bon début de soirée, François. Alors Jean-René, je pense que vous êtes un grand amateur de cette légende. Est-ce qu'on connaît un peu le contexte historique dans lequel elle a vu le jour et aussi, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi Chang-hi a choisi la Lune comme résidence? C'est une bonne... Il y a plusieurs légendes chinoises, comme dans d'autres grandes civilisations reliées au ciel, entre autres, comme la Voie lactée. Celle que vous avez racontée, François, à propos de Chang-hi, c'est une des versions des plusieurs légendes qu'il y a autour de ce qui est la déité chinoise dans cette mythologie. Et c'est associé aux festivals qui sont assez populaires un peu partout dans le monde, où on célèbre la moisson d'automne et souvent on le faisait en relation avec une des pleines lunes de l'automne. Donc, les Japonais ont cette tradition très grande de le faire et il y a une espèce de festival de la lune là aussi. Mm-hmm. Et nous, on fait l'action de grâce. Mais on est plutôt terre à terre, on a oublié de regarder le ciel et de relier notre action de grâce à la Lune et ses phases, ce qu'ont continué et continuent à faire les Chinois et d'autres civilisations, surtout asiatiques. Très intéressant. Mais Chang-hi n'est pas seulement le nom de la déesse de la Lune dans la mythologie chinoise. Non, c'est le nom du programme d'exploration lunaire par ça. L'agence spatiale chinoise. Effectivement, dont le lancement, en fait, parce qu'ils ont en fait envoyé une sonde spatiale dont le lancement a eu lieu le 7 décembre 2018, donc très récemment. Et en quoi elle consiste, cette mission, Jean-René? En fait, donc, c'est la deuxième fois que les Chinois envoient quelque chose et le font atterrir à la surface de la Lune. Il y a eu Chang'e 3 qui a atterri sur la Lune en décembre 2013, qui d'ailleurs qui est toujours opérationnel, prend toujours des mesures, et qui avait aussi un petit robot, petit véhicule robot, U2, qui veut dire lapin de jade, et qui n'a pas fonctionné tellement longtemps. Cette fois-ci, on répète la mission à peu près dans la même technologie, les mêmes systèmes. D'ailleurs, les deux sondes à la surface et les deux robots sont quasi identiques, sauf qu'on a corrigé tous les problèmes qu'on pouvait y avoir. Mais cette fois-ci, on a fait quelque chose qui n'a jamais été fait. On a fait atterrir la sonde sur la face cachée de la Lune. Ah, c'est une première. Et pour ça, il a fallu se préparer en plaçant un satellite d'observation de la Lune et qui sert à la communication avec la Terre, sans que nous, on voit directement ce qui se passe. Mais ce satellite qui a été lancé en mai 2018 sert de relais et était en préparation pour cette mission qui s'est déroulée d'une façon assez spectaculaire. Donc, il faut se rappeler que la dernière fois qu'on a placé des satellites sur la surface de la Lune et déployé un véhicule robotique, ça remonte aux Russes en 1976. Donc, les Chinois ont repris ici le bâton du pèlerin pour explorer la Lune de cette façon-là. Et c'est les seuls, en fait, qui ont un véritable programme d'exploration lunaire à ce moment-ci. Donc, d'avoir choisi la face cachée, c'est une excellente idée parce qu'on connaît beaucoup moins la face cachée, malgré qu'elle soit observée maintenant par des satellites qui sont en orbite autour de la Lune et qui photographient la Lune constamment. Mais d'être à la surface et de prendre des mesures de la face cachée, ce sera intéressant parce qu'elle présente des formations et une morphologie quand même pas mal différente par rapport à la face qu'on voit, nous. Ah bon, ça c'est quand même étonnant parce qu'on s'attendrait qu'il y ait quand même une espèce de cohérence, en fait, d'un côté comme de l'autre. En fait, oui, mais l'évolution de la Lune et le fait que, justement, le fait qu'il y ait une face cachée, c'est un petit peu inusité. Qu'est-ce qui se passe, c'est que la Lune fait un tour sur elle-même en même temps qu'elle fait un tour sur le Soleil. Donc ça, c'est intriguant. Et il y a certains autres objets dans le système solaire qui font ça, des satellites qui sont proches des grosses planètes autour de Jupiter, par exemple, et même les petits satellites de Mars font la même chose. Donc, ce qui se produit, c'est avec le temps, parce que la Terre est 80 fois plus massive que la Lune, la Terre exerce des forces de marée sur la Lune. Donc, la Lune n'a pas d'eau. Mais, mais il peut avoir une force de marée sur la surface solide et l'intérieur, qui sûrement a été liquide à une certaine époque à l'intérieur de la Lune. Et ce que ça fait, ça fait comme étirer la Lune dans la direction de la Terre. OK. Donc, ça soulève un peu la croûte, on peut dire. Hein? Donc, il y avait cette espèce de renflement. Il y a toujours ce renflement, mais au début, la Lune tournait sur elle-même plus rapidement qu'elle tourne maintenant sur elle-même, et on pouvait voir toutes les faces. Mais avec le temps, ça leur ralentit cette force de marée très forte de la Terre par rapport à la Lune. Ça leur ralentit la Lune suffisamment sur elle-même et ça leur en quelque sorte verrouillé de façon à ce qu'elle soit allongée, entre guillemets. Sa forme est allongée vers nous, un peu comme une poire, entre guillemets. Et aussi, ce que ça fait, c'est que l'intérieur de la Lune a été un peu modifié. C'est un peu comme parfois vous faites bouillir votre œuf, un œuf cuit dur, et vous avez remarqué que le jaune est un peu déplacé par rapport au centre de l'œuf. Donc ici, on n'a pas fait cuire la Lune, là, c'est la force de marée. Mais l'intérieur de la Lune, c'est un petit peu comme modifié. Et ce qui se passe, c'est que l'autre côté de la Lune est beaucoup plus de cratères que la face visible, a beaucoup moins de ces grands bassins basaltiques qu'on appelait les mers, donc les grandes surfaces planes. Je pense, je me souviens d'avoir vu le chiffre, de l'autre côté, il y a peut-être 3% de la surface de la face cachée qui est couverte de ces épanchements de lave qu'on appelle les mers. Et d'un autre côté, c'est une fraction très importante. Quand vous regardez la Lune, surtout en pleine Lune, vous voyez toutes ces taches un petit peu plus sombres. Ce sont ces fameuses mers, ce sont ces grands bassins basaltiques qu'il n'y a pas de l'autre côté de la Lune. Et la Lune a aussi, un peu comme la Terre, une croûte lunaire, un manteau intérieur et aussi un noyau. Et la croûte lunaire du côté de la face cachée est beaucoup plus épaisse que la croûte lunaire de ce côté-ci. Donc, il y a plusieurs facteurs qui sont très différents. Et il y a peut-être aussi des différences en composition minéralogique du côté de la face cachée de la Lune par rapport à cette face-ci. Pourtant, la face cachée de la Lune est quand même aussi exposée au Soleil que toutes les autres faces. Ça n'a aucune importance. Aucune importance, c'est ça. C'est vraiment la force de marée. Et je rappelle, c'est que la force de marée, elle est en quelque sorte énormément... Je n'ai pas le chiffre, là, mais ce serait s'il y avait de l'eau sur la Lune, la force de marée serait colossale. Ce serait probablement la hauteur des montagnes. Mais il n'y a pas d'eau sur la Lune, donc on n'a pas ce problème-là. Et est-ce que c'est cet étirement, justement, dû à la force de marée qui fait que ça se couple avec la Terre, en fait? Que ça oui, absolument. Absolument. Donc, et aussi, la Lune exerce une force de marée sur la Terre. On le voit ici, surtout dans la région de Québec, avec l'eau. Et la croûte terrestre aussi subit une force de marée de l'ordre de près 20 cm. On ne s'en rend pas compte, mais... la croûte terrestre va monter de 20 cm et va redescendre deux fois par jour de 20 cm. Et c'est quelque chose qui est mesurable. Je me souviens, quand j'étais en géophysique, on faisait des relevés gravimétriques pour trouver des zones plus denses sous nos pieds, possiblement qui indiqueraient des gisements miniers de métaux lourds. Et il fallait toujours corriger en fonction de la Lune la force de gravité qu'on mesurait à cause de cet effet de marée qui nous élève et on s'en rend pas compte. C'est quoi, une trentaine de centimètres? C'est dramatique qu'on se rend compte des forces de marée qui opèrent, par exemple, dans le golfe du Saint-Laurent ou ici à la hauteur de Québec. OK. Et ça s'opère même aussi sur la roche, en fait, de la Terre, c'est ça? Pas rien que sur les îles. Absolument, oui, non. Mais ça, la roche ne se promène pas, elle est solide. Là. Non, c'est ça. C'est juste un phénomène où on s'élève et on s'abaisse deux fois par jour, comme l'eau le fait dans les hautes et les basses marées. Mm-hmm. Et sur la Lune, c'est arrêté, ça. Tout s'est figé pratiquement... il y a quelques milliards d'années, assez rapidement, la Lune, en quelque sorte, a verrouillé sa rotation sur elle-même à sa période de révolution autour de la Terre. Et c'est ce qui fait que sa vitesse de rotation est égale à la vitesse de translation de la Terre, non, autour du Soleil? Oui. En fait, on tourne moyenne, dépendant où est la Lune. La Lune tourne autour de la Terre et on voyage à la même vitesse autour du Soleil, à 30 km par seconde ou 100 000 km à l'heure. Donc, on reste bien attachés l'un à l'autre, ça, il n'y a aucun doute. L'autre chose que je ferais remarquer, c'est que il y a quand même des phénomènes gravitationnels assez intéressants. On peut voir plus que 50% de la surface de la Lune. En fait, on voit... Il y a un pourcentage de la... Enfin, il y a un 9% qu'on voit de ce qu'on appelle la face cachée par un effet qu'on appelle l'effet de libration. C'est que la Lune, pendant qu'elle tourne autour de nous, fait un petit mouvement de balancier sur elle-même, un peu de gauche à droite pour nous montrer un petit peu d'un côté et un petit peu de l'autre. Et c'est un phénomène qui est bien connu qu'on appelle la libration. Donc, en fait, la face cachée de la Lune est moins que 50% de la Lune. Okay. Elle est plutôt que de 41% de la surface de la Lune. Mais c'est un gros morceau. Et en fait, si on revient à la mission, qu'est-ce que les chercheurs vont faire, en fait, sur la face cachée de la Lune? C'est quoi Donc, les objectifs? Il y a plusieurs expériences. Et d'ailleurs, une des choses qui est intéressante, c'est que les chercheurs européens collaborent avec les Chinois là-dedans. Les Américains n'ont pas le droit de collaborer avec la Chine. Par la loi, là. Ah bon? Ça fait partie de l'ensemble des stupidités qu'on a là, dans certaines politiques étrangères. Donc, il y a plusieurs. D'abord, sondage du sol, tant pour les gaz qui s'en échappent. Il y en a très, très peu, mais c'est intéressant de voir ce qui sort. Donc, composition minéralogique de la surface. Mm-hmm. Le petit véhicule va se promener, va faire des sondages un peu plus loin que le vaisseau mère qui est resté sur place. Oui, parce qu'il va y avoir un rover qui appelle, là, c'est ça? C'est ça, qui est U2 2, celui-là. On avait U2 1 en 2013. Et ensuite, il y a déploiement de certaines expériences qui sont très intéressantes, entre autres de radioastronomie, pour détecter, mesurer des signaux, des ondes radioélectriques en provenance soit du Soleil ou soit même de Jupiter ou d'autres endroits dans le cosmos. Le problème qu'on a sur Terre, c'est que nous, on pollue en ondes radio à peu près tout le spectre. Il y a des ondes protégées, mais il y a toujours des débordements hors fréquence. C'est comme quand vous essayez de syntoniser votre appareil radio, puis qui est pas nécessairement de très haute qualité, et vous tombez toujours sur une station à côté que vous voulez pas entendre. Donc il y a une expérience de radioastronomie extrêmement intéressante et qui pourra donner lieu plus tard à un déploiement de radiotélescopes sur la face cachée de la Lune pour être finalement en milieu là, qu'on pourrait qualifier d'ultra silencieux par rapport aux interférences terrestres. Donc un ensemble d'expériences et aussi il y aura une cartographie locale. Déjà, les images qui ont été publiées par l'agence chinoise sont assez spectaculaires. Et le robot va nous en donner plusieurs autres aussi. L'environnement n'est pas trop montagneux, quoiqu'on a déjà trouvé de bons gros blocs de roches. Il n'aurait pas fallu qu'ils atterrissent là-dessus, mais je pense qu'ils avaient tout prévenu et tout s'est fait automatiquement pour éviter des obstacles et d'avoir un atterrissage à un endroit qui est assez extraordinaire. C'est ce qui est arrivé. Et l'année 2019 sera aussi une année de célébration de l'exploration spatiale. Oui, c'est une belle année. D'abord, justement, face cachée, ça fera 60 ans en octobre que la sonde soviétique Luna 3 frôlée est passée derrière la Lune et a pris pour la première fois des photographies de la face cachée de la Lune. Donc, ça fera 60 ans. Ça se passait en 1959. Moi, je m'en souviens, j'étais jeune collégien et c'était un moment absolument extraordinaire. Donc, c'est quelque chose qui à se rappeler, à se souvenir. Et est-ce qu'il y a d'autres dates aussi? De... Oui, il y a la mission Apollo, deux vols habités de mission Apollo, un de en... Dans les années 60, hein? Oui, dans les années 60. Et ce sera quelque chose qu'il faudra en fait célébrer le mois de juillet. On aura eu Apollo 11 et au mois de novembre, on aura eu Apollo 12. Oui, et moi je m'en souviens très bien de ça. Et en fait, pour ce qui est des considérations générales, en fait, quel est l'âge de la Lune? Il est 4 milliards et demi d'années. Et comment est-ce que c'est formé? La Lune s'est formée, d'abord avec Apollo, on a des résultats, de l'analyse minéralogique et tout. Avant, on ne savait pas trop si c'était, la Lune avait été capturée après sa formation, capturée, déjà formée. Si elle s'était formée en même temps que la Terre, première hypothèse, la Lune aurait été possiblement capturée, ayant déjà été formée. Deuxième hypothèse qu'on avait, c'est que la Lune se serait formée en même temps que la Terre, des mêmes matériaux. Comme deux compagnons insérés. Et la troisième hypothèse, c'est celle qui est la plus populaire maintenant, parce qu'il faut expliquer que la Lune est beaucoup très semblable à la Terre au point en composition minéralogique, en structure géologique aussi, mais il y a des différences importantes. Donc, le meilleur modèle qu'on a, c'est que la proto-Terre et la proto-Lune étaient deux objets. Et entre autres, la Terre aurait capturé un objet à peu près de la masse de Mars. Okay. Et ce petit corps, quand même relativement gros, plus gros que la Lune actuelle, aurait été complètement désintégré. Okay. Et aurait été, en quelque sorte, capturé. Et il y aurait eu... en fait, éjection de matériaux très chauds. Et à partir de ces matériaux, vous pouvez imaginer comme une espèce d'anneau semblable aux anneaux de Saturne, très, très chaud, qui aurait condensé pour former la Lune actuelle et ce qui est devenu la Terre qu'on habite présentement. Tout ça s'est passé il y a 4 milliards et demi d'années et permet d'expliquer la composition chimique des deux corps et leurs différences. Et en particulier, le rapport de masse qui est assez important. La Lune, par rapport à la Terre, demeure un assez gros satellite, proportionnellement. Et il est possible aussi qu'il y a eu d'autres petites lunes qui se soient formées au tout début, mais étant donné les forces de marée exercées par la Terre et par la Lune, ces petites lunes se sont écrasées sur la Terre et sur la Lune. Donc, il nous en reste qu'une seule. D'accord. Donc, ça explique, ce modèle-là, en fait, est assez détaillé, explique les grandes ressemblances et en même temps les différences entre la Terre et la Lune. Et qu'est-ce qui fait que la Lune n'a pas d'atmosphère alors que la Terre en a une? Donc, c'est assez facile et la différence est dramatique. Il n'y a rien, il n'y a pas d'air du tout. Effectivement. Là, comme tel. Donc, la différence est simple, c'est que la Lune a une masse, comme je disais, 80 fois plus petite que celle de la Terre, et étant à la même distance que du Soleil que la Terre l'est, elle est à peu près, en gros, à la même température, soit qu'il y a des, quoi qu'il y a des extrêmes de température beaucoup plus importants sur la Lune. Et la Lune, en quelque sorte, a perdu tous ses volatiles. L'eau qu'il pouvait y avoir au début, il n'y en avait probablement pas beaucoup. Elle a perdu son oxygène. Tous les gaz se sont échappés très, très rapidement de la Lune, qui n'avait pas la force de gravité pour les retenir, étant donné la température qu'on a en moyenne à la distance qu'on est du Soleil. Donc, simplement, très faible gravité. Donc, elle est 6 fois plus faible que sur la Terre, la gravité lunaire. Effectivement. Si à la surface, vous seriez capable de sauter 6 fois plus haut. Et Jean-René, pour terminer, à quoi peut-on s'attendre dans l'avenir pour l'exploration spatiale de la Lune? Qu'est-ce qui s'en vient? Donc, je pense que ce sont les Chinois qui sont les maîtres, les chefs d'orchestre pour la prochaine décennie. Ah bon, OK. et sûrement à l'unissage d'un équipage d'astronautes chinois, taïkonautes. Leur programme est extrêmement bien organisé, très bien structuré. Ils sont pas pressés, les Chinois, le temps, ils ont toujours compté là-dessus. Donc, ce sera sûrement à suivre, probablement un Chang'e 6. Je connais pas trop les détails, mais je sais qu'il y a un Chang'e 5 qui va suivre Chang'e 4, dont on parlait, qui va aller sur la face visible de la Lune et qui va extraire des échantillons lunaires et les retourner. Okay. Donc, on va faire ce que les Russes ont fait dans les années 70, mais qui n'a pas été répété. Il est certain qu'on ne rapportera pas autant d'échantillons que les 375 kilos qu'ont apporté les astronautes américains, et on reparlera sûrement dans le courant de l'année. Mais ce sera sûrement quelque chose d'assez important. Et on peut s'attendre à aussi ce qu'ils fassent la même chose, la même exploration et extraction d'échantillons de la face cachée. Et ça, ce sera très intéressant parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait certaines différences minéralogiques, comme je l'ai mentionné un certain nombre de fois depuis de l'entrevue. Alors, merci beaucoup, Jean-René, pour toutes ces explications. Et je rappelle que vous êtes astrophysicien et professeur associé au département de physique à l'Université Laval. Merci beaucoup, Jean-René. Allez, au revoir.